Charles de Gaulle, l'île Roi. Et donc, l'intervention s'intitule l'autoconsistance de l'écart. Et je passe la parole à Monsieur Ivoura. Vous avez besoin de ça? C'est mieux. Oh. D'accord, merci. Cherche le mot par panorama complet. On va voir complètement. Je ne connais pas très bien ce mot français. C'est pas grave. 他要把那个镜头放在全景的是哪一个，你知道吗？ C'est pas grave. C'est pour avoir le montre panorama complet. Oui. En plein écran. Ah, c'est affichage. C'est un affichage, c'est là. En bas, en bas, en bas. Ah, ah d'accord. C'est là. C'est là. Merci. Merci. Avec le micro. C'est micro. Bonjour. Merci, Monsieur le Président, pour les organisateurs. On va placer le comme premier intervenant un samedi matin. Donc, oui, donc il faut voter. Ici en France, le week-end est sacré et votre temps ce matin est très très précieux. Donc je dois être tout de suite dans le vif du sujet. Au cours de le dernier colloque sur François-Julien 2010, vous vous souvenez, au mois de décembre, à la bibliothèque Mitterrand, j'ai pu revenir sur les ouvrages de François-Julien un par un. Et ce matin, avec vous, je souhaite partager avec vous certain nombre de constats, certain nombre de points de discussion autour d'un seul ouvrage de François-Julien. Et les sciences humaines et sociales sont des sciences contextuelles. Et dans la courtoisie entre guillemets asiatique, je souhaite placer ce genre de contexte dans le cadre de M. Marc Smiard, cette institution magnifique-là qui nous accueille ce matin, c'est-à-dire que cet ouvrage-là, intitulé à l'époque « Chemin faisant, connaître la Chine, relancer les philosophies » au seuil 2007, je vais le placer à la fois dans le cours néo-philosophique, sinologique de François-Julien, mais contextualisé dans le science du management, la science de la gestion. Mais ici, restons d'abord fidèles au contenu de l'ouvrage. C'est un ouvrage de François-Julien qui n'est pas très épais, c'est un ouvrage qui... Et pourtant, cet ouvrage-là dévoile un certain nombre de choses dans l'œuvre, pour dire, dans le langage de François-Julien, certain nombre des points clés dans son chantier. Pendant très longtemps, jusqu'à cet ouvrage-là, certain nombre de lecteurs pensent que François-Julien est essentiellement un philosophe, commentateur, qui circule entre sinologie et la philosophie, dans un jeu de commentaires, enfin, son art de commentaire, c'est quelque chose qu'on connaît et sa prose est quelque chose de très impressionnant pour nous, asiatiques. Mais à partir de cet ouvrage-là, François-Julien découvre, nous aide à découvrir qu'il est aussi, et ça c'est, je trouve c'est important, un philosophe concepteur, pratiquant en philosophie des concepts. Et ici, le point de rencontre de notre journée, c'est autour d'une notion qu'il a intitulée l'écart. Et je souhaite avec vous entrer dans trois types d'écart que François Julien nous propose, l'écart linguistique, l'écart sémantique, l'écart didactique, mais au service de l'épistémologie des sciences humaines et sociales. Et c'est ici qu'il est de mon devoir, suite au conseil de Pascal, chaque fois vous vous lancez dans un jeu sémantique, essayez de le définir correctement. Et ici, depuis plus de 20 dernières années, l'écart revient très souvent dans le travail de François Julien. Et ici, je vois trois points de repère par rapport à ce qu'il appelle comme notion, plus tard comme concept, et pourquoi pas en paradigme, en sciences humaines. Et l'écart pour lui, c'est d'abord, comme les autres auteurs, un jeu de variation. Mais plus que les autres auteurs, François Julien propose que l'écart doit être un terrain, un champ, pourquoi pas un chantier durable de exploration. Il faut explorer pour exploiter cet écart-là. Et lui, François Julien, il ne s'arrête pas à cette exploration-là. Il met en place tout un jeu qu'il appelle lui-même « mis en tension hein, » entre la culture et la civilisation, entre les jeux sémantiques. Et ici, pour justifier mon titre ce matin, l'autoconsistance, et c'est justement dans cette autoconsistance-là, merci beaucoup, que François Julien pratique trois opérations, la désaturation sur le plan théorique, la décatalisation sur le plan méthodologique. Le terme méthodologique, si on discute suivant François Julien, il n'aime pas du tout ce terme-là, il préfère le mot méthode, mais je suis méthodologue de formation, donc je préfère garder ce terme méthodologique. Et surtout, quelque chose qu'il a fait depuis ces dernières années, c'est la défixation. Et cette fois-ci, c'est un jeu épistémologique très intéressant proposé par cet auteur. Je pense qu'en sciences humaines, on ne peut pas échapper à ces trois terrains, théorie, méthodologie et épistémologie. François Julien écrit aucun ouvrage sur épistémologie, mais chaque ouvrage, chaque texte qu'il écrit, il revient involontairement ou volontairement sans cesse sur la mise en cause, mise en tension épistémologique en sciences humaines et sociales. Voilà mon affaire ce matin. Et c'est pas sûr que je m'en sors. C'est le couleur annoncé, mais je ne suis pas sûr. Dans cet ouvrage, François Julien met en lumière, en évidence, son arsenal conceptuel et théorique. Ici, l'ouvrage, vous vous souvenez, l'ouvrage lui permet de répondre à un certain nombre de détracteurs à l'époque qui ils ont provoqué un certain nombre de difficultés de lecture. Et justement, dans cet ouvrage-là, François Julien mettre en place son appareil théorique ou appliquer qu'est-ce qui se passe et comment il voit son travail entre la civilisation, la pensée européenne et la pensée dite chinoise. Dans cet exposé-là, je me permets de changer un petit peu le sens d'orientation de l'ouvrage. François Julien est extrêmement précis dans son jeu d'écriture, il parle de la Chine. Mais dans cet exposé-là, je pense qu'il parle, il analyse aussi l'Asie sinisée, l'Asie de l'influence chinoise. C'est-à-dire non seulement la Chine, mais aussi la Corée, le Japon et le Vietnam. Et dans cette mot sinisée-là, on n'oublie pas le Taïwan, le Singapour, et la diaspora chinoise. Et sur cette base-là, je pense qu'ils mettent en place quelque chose qui est utile pour comprendre comment ils voient l'écart dans son travail. D'abord, quand on part en France, en Europe, dans la tradition philosophique occidentale, on est pris par logos, c'est-à-dire un travail de définition des concepts. C'est un travail qui ressemble à un carcan, et c'est à partir de ce travail de définition, le logos occupe une place centrale dans la construction sémantique, syntaxique, de notre usage langagier. Alors là, François Chien nous dit qu'en Asie, si nous prenons la tradition confucienne, taoïste, nous pouvons voir que le parler là-bas, c'est le parler Audrey. Audrey de contexte, Audrey de conjoncture, Audrey de l'évolution, Audrey de transformation. Et ici, si vous êtes le lecteur de cet auteur-là, vous voyez qu'il revient sans cesse sur cette vie Audrey. Parallèlement avec ce qu'on parle, ce qu'on communique, et dans le communiqué, alors là, François Julien dit que le jeu de communication en Occident, c'est-à-dire ici en Europe, dans nos traditions philosophiques, les sciences humaines, c'est le symbolique qui gère le concret et l'abstrait dans notre construction théorique, dans notre construction syntaxique. Et en Asie, c'est autre chose, c'est plutôt l'indice qui permet le jeu d'allusion. Et ce jeu d'allusion-là, c'est un jeu qui se situe par rapport, encore une fois, au contexte, aux conjonctures, à l'environnement. À partir de ce point de départ, François Julien pousse plus loin son raisonnement philosophique, son argumentation théorique. Il dit que dans le débat ici, quand on débat en Occident, c'est la rencontre face à face, les yeux dans les yeux, c'est le frontal. Et c'est ici qu'on dévoile la problématique centrale commune entre le parti antagoniste. Alors là, en Asie, dans la tradition chinoise, plus tard, de l'Asie orientale, l'Asie de l'influence chinoise, François Julien dit que l'accès doit passer par l'oblique. C'est ici qu'il y a un certain nombre de jeux de détournement, un certain nombre de jeux de décentrement, qui nous permettent de pénétrer au vif du sujet, au cœur du problématique, autrement. François Julien raconte aussi que dans un débat, on est là avec des arguments, mais pour convaincre nos partenaires, nos interlocuteurs, nos adversaires même, nos ennemis. Et ici, la persuasion en Occident, c'est une persuasion qui est fondée sur la rhétorique, dont l'argumentation est fondée sur la connaissance, et selon François Julien, connaissant, sont là en tant que modèle. Alors là, en Asie, c'est autre chose. C'est plutôt un jeu, ce que François Julien propose, le voir comme l'influx semence. C'est ici que la parole suggère, la parole guide, mais la parole impose pas. Et dans toute la continuité, cet auteur-là, donc ce matin, François Julien, nous raconte que si on rentre dans le schéma mental, comment on pense et comment on identifie notre inconnu, notre énigme, c'est-à-dire notre problématique, François Julien dit que dans la tradition occidentale, l'essence en tant que le cœur du système, ce qu'il appelle l'ontologie, une tradition imposante, forte en philosophie, qui nous permet d'identifier l'être. Et ça, c'est le point qu'on voit comme trajectoire durable, constante de la philosophie occidentale. En Asie, non. En Asie, la capacité, la vraie ressource est définie par le réel. Et ici, le processus, c'est-à-dire la marche des choses qui détermine le contexte, donc qui détermine la place de l'individu, de la collectivité. Et on passe par l'être. Son arsenal conceptuelle et théorique, dans cet ouvrage-là, pousse encore beaucoup plus loin dans notre façon d'identifier, un objet, identifier même une identité nationale, collective, individuelle, culturelle, linguistique. Et en Occident, François Julien nous dit que c'est la substance, c'est la nature de choses qui détermine et qui explique le changement, la transformation et la mutation. En revanche, dans la tradition chinoise, c'est-à-dire de l'Asie sinisée, on voit la répartition, l'unité des contraires entre yin et yang, et François Julien dit que pour comprendre comment les humains arrivent à identifier leur vie, leur identité, leur culture, leur civilisation, leur réalité sociale, ils passent par cette jeu, ce qu'il appelle pluralité. Pour expliquer la transformation, pour expliquer le changement, pour expliquer le réel. Ensuite, dans la continuité, qui est un appareil théorique, conceptuel, pertinent, cohérent, qui a sa propre logique, qui a sa propre rationalité, et ici, pour expliquer, pour pénétrer, accéder dans un objet, dans une transformation, François Julien nous propose qu'en Occident, c'est la causalité. Et ici, si vous discutez avec François Julien, il faut ouvrir plusieurs parenthèses, parce que la causalité ici, ce n'est pas une causalité qu'on voit dans le bouddhisme, hein, la causalité, la même cause, dans le même effet, dans le jeu, dans la loi causale du bouddhisme. Ici, la causalité, dans la tradition occidentale, notamment en philosophie, François Julien dévoile un certain nombre des démarches explicatives, et ces trois derniers livres, La philosophie du vivre, Entrer dans une pensée, et sept concepts proposés à psychanalyse, il revient longuement. Le temps matériel ce matin ne nous permet pas de rentrer dans les détails de l'explication de François Julien sur la causalité, mais en Asie, il nous raconte que les Chinois ou les Asiatiques du monde civilisé ne passent pas par la causalité, mais par quelque chose qu'on appelle l'immanence, c'est-à-dire voir dans l'avènement un certain nombre d'opportunités et gérer ces opportunités-là dans leur transformation. Expliquer, c'est une chose, mais accéder, François Julien nous dit que dans notre habitude, entre guillemets, dans notre outil philosophique, dans notre pratique de sciences humaines, c'est la présence qui détermine à la fois la physique et les métaphysiques de notre parole, de notre démonstration. En Asie, François Julien nous dit que c'est autre chose, les traditions que des deux grandes doctrines chinoises, le confucianisme et le taoïsme, nous apprend autre chose, c'est-à-dire comment gérer le contenu qui reste diffus dans l'atmosphère, qui reste continu, sans fin, pour mieux suivre la transformation, c'est-à-dire pour mieux suivre la mutation d'un contexte ou des contextes. Dans cet ouvrage, qui n'est pas très épais, il se permet d'aller beaucoup plus loin pour que, sûrement pour que demander ses détracteurs à l'époque de le lire correctement, parce qu'on découvre qu'un certain nombre de personnes qui critiquent ces ouvrages, mais qui ne lisent pas correctement. Justement, ici, François Julien dit que dans un des actes forts de Saint-Jumel, c'est comment peut-on finaliser et déterminer une parole, une explication, une démarche scientifique. Et ici, en Occident, selon lui, c'est le sens. Guidé par les finalités qui déterminent notre démonstration, notre explication, notre compréhension. Alors là, en Asie, les Asiatiques du monde chinois gèrent le jeu discursif, la démonstration autrement, c'est par un jeu qu'ils appellent la cohérence. C'est-à-dire comment maintenir de façon cohérente pertinent, pour être convaincant, dans un ensemble qui représente un dispositif, et de bout en bout, ce dispositif-là tient compte du réel, c'est-à-dire tient compte toutes les transformations qui déterminent l'environnement. François Julien allait beaucoup plus loin, et c'est ici qu'il apporte, pour le spécialiste qui travaille en philosophie d'une part, et des sinologues, mais aussi pour nous, des chercheurs, des enseignantes dans le monde sinisé, Chine, Japon, Corée, Vietnam, autour de notre détermination. Qu'est-ce qui se passe? Déterminer Asie signifie, tôt ou tard, la révélation. Révélation d'une vérité, révélation, une démonstration, une religion ou la place de Dieu dans nos paroles. Et c'est ici, la révélation apporte comme vérité, cette vérité-là devient entre-temps, peu à peu, jour après jour, absolue, éternelle, durable. Telle est sa place dans la religion. En Asie, alors là, François Julien nous dit que c'est autre chose. C'est la régulation. Et cette régulation-là revient sans cesse dans les ouvrages de François Julien depuis plus de 20 dernières années. C'est ici que, comment on voit la cohérence dans le cycle des saisons. Et il a écrit longuement sur la phénoménologie, qu'il appelle phénoménologie saisonnière, comment on vit au gré des saisons, cueillir comme ça un fruit au bon moment, dans sa maturation, et la régulation, la cohésion permet un travail de connaissance humaine sur ce qu'il appelle l'harmonie. Donc le terme l'harmonie, c'est pas du tout un terme dans le discours ambiance, dans l'idéologie ambiance en Chine et en Asie. L'harmonie définie par François Julien dans son travail est toujours accompagnée par des indicateurs très précis, régulation, cohésion, l'immanence. Dans cette logique, François Julien conduit son travail et qui nous aide à comprendre la différence ou la différenciation entre deux mondes, un monde occidental européen et un monde chinois-asiatique, de l'influence chinoise. Ici, il nous raconte que dans notre vécu, dans notre expérience par rapport au temps, il y a toujours une logique chronologique, il y en a avant, il y en a après. Et dans cette chronologie linéaire-là, nous ne voyons pas le cycle. Ici, François Julien dit qu'en Asie, c'est toute autre expérience. Il faut le comprendre par la transition, le transitionnel. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai, un début. C'est vrai, il y a une fin. Mais le cycle de saison, le cycle de la vie, le cycle agricole, économique, humain, peut être en mouvement circulaire. François Julien n'est pas le premier sinologue ou le premier chercheur qui révèle cette dimension cycle circulaire. Il y a l'aller-retour dans le taoïsme qui, le chose, revient sans cesse, comme dit un proverbe asiatique très connu, une feuille morte retombe toujours sur sa racine. Donc il y a le cycle de la vie, de la mort, mais il y a aussi le cycle de la renaissance des choses, dont le bouddhisme travaille très fortement dessus, pour, y compris l'hindouisme, hein, pour valoriser leur notion de l'incarnation. Non, non, ici, François Julien nous dit que dans ce qu'il appelle la transition, il faut voir un écart très fort entre l'Occident et l'Asie. D'un côté, l'Occident préoccupe la vérité comme place centrale, par une formulation très déconnue. Très détestable, une place incontournable. Et cette vérité-là détermine la voie, la démarche, la suite de la philosophie, des sciences humaines, parce qu'il nous aide à formuler nos jugements. Ici, en Asie, François Julien dit que pour rentrer dans la pensée, dans la civilisation, dans la culture de l'influence chinoise, il faut travailler autrement, sur ce qu'il appelle la disponibilité, c'est-à-dire avoir un jeu d'ouverture de l'esprit à l'application, et voir différentes unités contraires dans leur jeu d'opposition, de contradiction, de conflit, de rivalité, pour saisir le réel, pour saisir la réalité. Il pousse encore beaucoup plus loin son appareil conceptuel scientifique en nous disant que ici, quand on est dans un jeu de paroles, dans un jeu de démonstration, alors la différence se voit entre l'Occident et l'Asie. L'Asie sinisée. En Occident, on dévoile, on désigne, on dit que ça c'est une erreur, c'est que c'est par rapport à une réalité qu'on n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire la contradiction entre des forces qui ne dégagent pas nettement une jeu de domination, une jeu d'imposition, et dans cette réalité-là, gérée par le rapport de force, agitée, on dit celui-là, il est dans l'erreur, celui-là, il est dans le juste. En Asie, on gère la partialité, on gère la différence, on gère les forces opposées, on le réunit dans l'unité de contraire. Et le souci, l'inquiétude asiatique, dans la vie, comme dans la science, dans la pensée, comme dans le comportement social, c'est essentiellement la peur, la crainte des manques d'unité, des contraires. Et ici, je pense qu'il est un des rares sinologues qui pousse théoriquement très très loin cette dimension. Et le travail devient tout à coup intéressant, voire même essentiel, primordial, pour voir l'écart entre ces deux mondes, entre ces deux types de pensée. François Julien, autour de le terme connaître, il dégage comment les Occidentaux voient la connaissance en tant que modèle pour convaincre, pour démontrer, pour percevoir des réalités. Ici, il a illustré son travail par plusieurs ouvrages. Et ici, on voit une variation des ouvrages incroyable sur ce jeu de connaissances, de l'art militaire à l'art plastique, de la connaissance scientifique à la connaissance philosophique, de la connaissance culturelle à la connaissance économique. Donc, il y a un très grand nombre d'ouvrages de François Julien sur la différence de la formation de la connaissance. Et ils mettent en place, plus tard, à partir de la connaissance, un autre concept dont on a vraiment très, très peu de temps ce matin pour revenir sur ce travail conceptuel très intéressant, ce qu'il appelle la connivence. Donc peut-être dans la discussion de la journée, on revient sur ça, parce qu'il met en place, pas l'opposition, mais une situation face à face. Le face-à-face en Asie, ce n'est pas les yeux dans les yeux. Hein. Le face-à-face est peut-être très fréquent et très riche entre la connaissance et ce qu'il appelle la connivence. Comme ce matin, votre temps est très, très précieux. Je dois respecter aussi les hommes exposés. Je suis à la fin. François Julien dit que dans le travail, comment on arrive à synthétiser des choses, des pensées, des expériences, et comment notre sensibilité s'organise par rapport au réel, ils nous disent que le rôle de la généralité est très important. Généralisation joue un rôle fondamental dans la formation de connaissances, notamment dans la théorisation, dans la connaissance théorique. En Asie, ils disent qu'il faut faire le détour, il faut voir un autre terme, la globalité. C'est comment peut-on faire une synthèse opérationnelle, un bilan efficace, à partir de points de vue non seulement différents, mais opposés. Et une bilan intéressante, viable, selon son terme, en Asie, c'est un bilan qui tient compte de cette unité de contraintes, qui sont très différentes et qui s'opposent. Et dans son travail, allons-y, hein, il indique comment nos sensibilités organisent. Et en Occident, nous parlons de l'âme. Et l'âme ici, selon lui, c'est la découverte du sensible. Ce n'est pas l'âme définie par la religion, par l'expérience religieuse. Dans la discussion que j'ai pu mener ces dernières années avec l'ouverture d'esprit de François Julien et moi, on revient très souvent sur le rôle de la science cognitive en tant que science du cerveau maintenant, qui remet en cause complètement des catégories dites métaphysiques, l'âme, esprit, ainsi de suite. Donc, notre discussion continue, mais ici, ils nous disent qu'en Asie, l'âme a une place modeste, limitée. Et les Asiatiques, de culture, de l'influence chinoise, partent de la vie. Et dans cette vie-là, ils voient en terre l'énergie, et énergie en tant que souffle. Alors là, François Julien a plusieurs passages dans plusieurs ouvrages. Ce sont des passages vraiment magnifiques en termes de prose et de philosophie, et qui sont fortement très utiles pour les spécialistes, voire même les experts qui travaillent actuellement dans la mondialisation sur l'Asie. François Julien, dans cet ouvrage-là, dévoile tous ses jeux conceptuels, toute sa créativité, très argumentée, hein, très raisonnée, comment on apprécie, comment s'organise notre idéaux, et il nous dit qu'entre Occident, le bonheur gère notre projet de vie, notre projet d'avenir, nos sens face à la vie, et la fin qu'on donne à ce bonheur-là, a à la fois une dimension éthique et plus tard esthétique. Ici en Asie, si l'asiatique gère le conjoncture, le contexte, l'environnement, François Julien propose le terme viabilité. Et dans cette viabilité-là, le humain n'est pas passible, le humain n'attend pas la mûration. La maturation des fruits pour le cueillir, mais il intervient à leur façon dans l'harmonie. Et c'est ici que François Julien nous dit qu'il existe une capacité de communiquer avec le monde, avec la nature, pour participer de près, de loin, activement ou indirectement. Et encore une fois, ce cadre notionnel, la viabilité, ont des passages très forts, et François Julien revient très souvent dans ses ouvrages par rapport à ça. Mais ici, autre chose est peut-être plus intéressante, c'est comment nous, on définit notre liberté. Sa définition est compactée. L'affranchissement d'un sujet libre face au monde. Ici, il touche à un point central dans le schéma mental des Asiatiques. Nous, Asiatiques, si on vit dans notre jeu appelé harmonie, régulation proposée par le confucianisme, le taoïste et parallèlement le bouddhisme, on ne voit pas la place du sujet. François Julien cite pas beaucoup Jean-Paul Sartre, mais Sartre dit une chose très essentielle dans son existentialisme, le moi est condamné à être libre, le sujet est condamné à être libre. Récemment, dans la discussion, on revient sur le dernier colloque avec Bernard Chichère et moi, on propose à François Julien de. Parce que le dernier colloque, le ministre, Bernard Chichette, nous dit que, une phrase en plein colloque, que les philosophes sont sous la lumière des poètes. Et Bernard Chichet dit que le travail de François Julien sur la poésie, on ne le voit pas encore très nettement. Mais moi, je le vois, je le vois qui, entre travaillant sur l'ancien texte poétique du taoïste, du confucianiste, François Julien travaille sur cette dimension-là. Et il met en place ce qu'il appelle la spontanéité. C'est ici que le monk nécessite l'harmonie, parce que c'est ici où repose le jeu d'équilibre. Je reviens sur que, comment le schéma mental-agétique nous empêche de parler en tant que sujet, en tant qu'individu libre, en tant qu'individualité autonome et indépendante. Ici, l'expérience personnelle est parfois plus appréciable que parce que je me souviens là de 16 ans en Asie que je découvre comme ça, en pleine guerre américaine au Vietnam, une phrase d'Henri Gide, la famille jouée. C'est un choc, mais c'est très grande découverte pour moi. Parce qu'il ne faut pas compter sur le Confucius, sur la Hoche du taoïste ou sur le Bouddha, le bouddhiste, pour ça prend ce genre de choses. Et que les Asiatiques, face à leurs trois rangs doctrines, bouddhiste, confucianiste, taoïste, il a un quatrième couloir qui est très important, le culte des ancêtres. Et dans le culte des ancêtres, alors là, si vous, il ne faut pas compter sur le penseur, les auteurs asiatiques pour dire que mais la famille jouée. Et il faut être un sujet très libre, très autonome, très indépendant pour arriver à ça. Et là, le 17 ans, je tombe sur un autre 17 ans ici en France, à Sartreville-Mézières, Arthur Rimbaud. Quand il quitte Sartreville-Mézières, il envoie une lettre à son maître, qui l'admire le plus. Cher maître, vous savez pourquoi je quitte cette ville, Sartreville-Mézières, cette ville idiote, parce que je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. La dernière phrase, là. Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Alors là, pour nous, asiatiques, c'est le sujet. Nous sommes pleinement dans la définition du sujet. Il n'y a pas un individu asiatique. Mes ancêtres, mes parents, mes aînés osent formuler ce genre de choses. Bernard Chichet n'est pas là. Ils disent que le dernier colloque de ministre, que les philosophes sont sous la lumière des poètes. Et justement, Arthur Rimbaud, 17 ans, il a parlé de la lumière en envoyant une lettre à sa maman quand il quitte Charleville-Mézières. Il dit, chère maman, vous savez pourquoi je quitte cette ville, Charleville-Mézières? Parce que je nie votre loi morale, j'ai les yeux fermés, votre lumière. Je vais demander à François Julien de le mettre le courriel de Bernard Chichet pour lui envoyer cette phrase. Je nie votre loi morale, j'ai les yeux fermés, votre lumière. Ensuite, l'heure où je sais, et je termine. Non, mais ici, on lit, François Julien, c'est une chose, mais il faut absolument rentrer dans les schémas mentaux, comme dit François Julien dans son dernier ouvrage, rentrer dans une pensée, dans l'esprit. Et à 37 ans avant sa mort, sa maman lui demande, cher Arthur, qu'est-ce que tu deviens? Et il a répondu par une phrase très courte. Et cette phrase-là, c'est la définition du sujet qui nous échappe, nous tous. Asiatique, on n'arrive pas à faire entrer jusqu'à maintenant, aujourd'hui, là, ces schémas de définition du sujet dans nos têtes, dans nos schémas mentaux. Ils disent une phrase très très courte, et cette phrase-là, depuis plus qu'un siècle, la poésie française moderne n'arrive pas à dépasser cette phrase. Ça, c'est un jugement personnel de mon part. Mes deux maîtres, René Char, Yves Bonnefoy, je pense que leur œuvre sont très intéressants, très riches, mais est-ce qu'ils dépassent cette phrase? Et cette phrase, elle est suivante, très court, sujet, verbe, complément. Cher Arthur, qu'est-ce que tu deviens? Et Rimbaud, réponse, Arthur Rimbaud, réponse à sa maman. Je trafique dans l'inconnu. Je trafique dans l'inconnu. Le président de la science me dit que je dois me dépêcher. Donc, je n'ai pas le droit d'envahir sur le temps de d'autres intervenants. Ça, je discuterai avec vous un petit peu plus tard, au cours de cette rencontre ou plus tard. Et ça non plus, je ne pourrais pas. Mais l'appareil conceptuel, l'arsenal théorique, de façon générale, se dévoile dans cet ouvrage-là. Et tout ça, je trouve que c'est essentiel, mais le temps nous ment aujourd'hui. Mais je souhaite... Non, il faut sacrifier ce chemin-là. Je suis mis par le temps. Je suis très, très mal poli ce matin, parce que je suis bavard sur certains nombre de choses. Mais dans ce cas-là, il faut demander le président. Oui. Je suis sous la lumière de notre président. Je peux? Mais bien sûr. François Julien, pousse dans sa logique démonstrative, explicative, interprétative, se conformer et persévérer, comment ça fonctionne dans la vie, qui organise notre vision du monde et notre conception de vie. François Julien nous dit qu'en Occident, il y a des règles. Et cette règle-là peut être sous forme de commandement dans la religion, y compris dans la construction de modèles en sciences humaines. En Asie, non. Ni le modèle, ni les règles fixes, qui se meurent par leur fixité, par leur immobilité. Ici, en Asie, on préfère la régulation. C'est comment peut-on se situer dans le juste milieu, dans le juste dosage, pour ne pas tomber dans l'extrémité, en connaissant toute l'extrémité. Et c'est ça le défi du taoïste, c'est ça le défi de la sagesse dans le confucianisme. Persévérer, c'est un terme qu'on ne voit pas nettement dans la tradition philosophique. Et pourtant, la volonté a sa place centrale dans la construction philosophique. Il y a des ouvrages sur la philosophie de la volonté remarquable de Paul Ricoeur et d'autres auteurs. Ici, en Asie, François Julien nous propose de travailler sur la persévérance pour comprendre la ténacité dans la gestion des résultats, le bilan, de synthèse. Et nos discussions, les discussions entre François Julien et moi, depuis ces dernières années, s'organisent autour de cette matrice-là. Comment la persévérance donne la ténacité, comment la ténacité nous suggère plus tard la patience, et comment la patience nous livre enfin la persévérance. Cette matrice, persévérance, ténacité, endurance, patience, explique le temps, explique la maturation d'une pensée. Nous venons de passer l'élection présidentielle pour nous asiatiques, géniale. La démocratie est là et le genre part sans cesse. Un président disparu, François Mitterrand, et de son vivant, que c'est quelqu'un qui adore que le dicton ou la formule, il faut laisser le temps au temps. Ici, en Asie, il y a un proverbe qui est encore plus percutant encore. Il faut laisser le temps, nourrir le temps. Et je pensais à notre collègue, Marc Smer, que j'aimerais bien pouvoir discuter avec lui, parce que ça joue énormément dans le jeu du ménagement, dans la science du ménagement, en tout cas. François Julien raconte dans son ouvrage tenir un discours, tenir comme ça un jeu de démonstration. Comment peut-on pacifier notre démonstration, notre jeu de parole, notre jeu discursif dans le travail des sciences humaines? Ici, en Occident, la sincérité. On met en place la sincérité, en face le mensonge. En Asie, c'est un terme que François Julien tient beaucoup à que la fiabilité. Et dans la discussion comme ça, orale, verbale, avec cet auteur-là, il revient sans cesse sur ce terme-là. il m'avait dit plusieurs fois que cette personne-là, il est plus gentil. C'est pas la gentillesse, c'est la fiabilité. Et c'est ça qui est important dans la vie sociale, intellectuelle, scientifique et surtout amicale. Il nous raconte que dans l'Occident, pour spécifier une chose, on rentre dans le jeu de ressemblance, de différence, de la comparaison, de l'analogie, pour gérer la diversité des données, des informations. En Asie, non. La voie est passée par la résonance. C'est-à-dire, comment peut-on entendre les vibrations? Qui est là? Qui est durable? Qui est réel? Et leur répercussion dans notre comportement, dans notre pensée, dans notre réflexion, dans notre réflexibilité. Et François Julien, juste après cet ouvrage-là, parle beaucoup autour de sa théorie, le réfléchissement humain. Et ça, c'est une autre rencontre, une autre occasion où nous pouvons revenir sur cette construction théorique. François Julien nous dit que dans notre travail d'observation, notre travail d'enquête, notre travail d'analyse, notre travail d'interprétation, qui nous permet plus tard de gérer notre conceptualisation, il nous dit qu'en Occident, hein, non seulement de la philosophie, mais surtout dans la science expérimentale, dans la science exacte, on appelle la science de modèle, selon Max Weber. Weber dit que la science de modèle est définie par la modélisation. Et François Julien donne une définition de notre expérience scientifique en sciences humaines expérimentales et la connaissance scientifique qui s'organise notre structure mentale, notre compulsion mentale en termes de modèle. Qui fait l'école dans l'art, qui fait aussi l'école dans l'art militaire, dont il y a plusieurs ouvrages de cet auteur-là sur la question. En Asie, modélisation, on le découvre, mais dans l'expérience de la pensée chinoise, c'est plutôt la schématisation. Ici, le rôle important de la réalité empirique, le rôle important du vécu, de l'expérience, pour saisir le réel, pour saisir ce qu'il appelle la compréhension. Dans la discussion avec François Julien, je reviens sans cesse sur que la proposition de Max Weber. Max Weber dit qu'il faut supprimer les frontières, le territoire entre la compréhension et l'explication. Si vous comprenez une chose, vous pouvez expliquer sans aucun problème, sans peine. Et si vous pouvez expliquer une chose correctement, c'est-à-dire que vous avez déjà tout compris. Et Weber dit que dans la sociologie, dans la science économique et dans la science du management, il n'y a pas de différence entre l'explication et la compréhension. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de parler l'explication compréhensive et la compréhension explicative pour faire sa sociologie de la compréhension. François Julien nous propose de travailler sur une tradition qui détermine nos structures sociales, nos structures mentales, nos structures intellectuel, en Occident, il appelle la composition. C'est ici qu'à partir de la description, on compose, on recompose pour voir clairement le dispositif. En Asie, dans la tradition du taoïste surtout, mais aussi dans le confucianisme, on voit des relations très dynamiques entre les éléments et leur complémentarité est fondamentale. Il faut absolument éliminer tous les adverbes, les subjectifs, les adjectifs dans ce genre de choses, mais la complémentarité permet de gérer la diversité et la pluralité dans l'expérience humaine. Et c'est en ce sens-là qu'il y a plusieurs ouvrages de François Julien revient sur cette dimension de la complémentarité, sur le droit de l'homme, sur l'universel. Et maintenant, ce jeu de la complémentarité lui permet d'expliquer ce qu'il entend, la mondialisation. Et ça aussi, c'est un point de départ qu'on pourrait féconder à tout à l'heure entre nous. Il nous explique, dans cet ouvrage-là, le travail scientifique, c'est le travail comment peut-on rationaliser tel vécu, tel réel, une expérience. Et ici, il met en place, encore une fois, le face-à-face entre l'Occident qui valorise le statut, la place, la fonction, le rôle d'un saint. Un saint, non seulement dans la religion, mais un saint comme ça, en termes de savoir, de connaissance. Et la dramaturgie fonctionne autour de cette je notionnel, conceptuel, appelé la sainteté. Alors là, en Asie, notre président vient de me signaler qu'il m'a encore 3 minutes. Il faut que je réduis tout ça. Vous permettez que je mette fin à ça, et, parce que j'ai envie publiquement maintenant à poser, je vous certifie ça, pour arriver à une question que nous souhaitons que moi je souhaite poser à François Julien ce matin, parce que le jeu de discussion, de conversation, des échanges dans le monde intellectuel, scientifique, universitaire, propose sur le dialogue, et le mot dialogue est un mot très précieux dans le travail de François Julien, le dialogue entre les cultures, dans l'universel, et dans son dernier livre, publié chez Gallimard cette année, encore une fois, un ouvrage remarquable. Il est remarquable parce qu'il n'existe pas d'autre ouvrage dans cette construction sémantique et philosophique, linguistique et théorique en ce sens. L'ouvrage est... Et dans cet ouvrage-là, François Julien, à la page 20, définit l'intelligence. Ce que signifie pour lui l'intelligence. Et je vous laisse lire, hein, parce que il faut pas que, cette phrase-là, qui est très bien écrite, il ne faut pas que vous puissiez l'accent asiatique de s'inciter cette phrase-là, parce que mon accent... Je vous laisse lire cette phrase. Il définit l'intelligent par l'écart. Ici, certains le mot clé revient dans le travail de François Julien, l'inéligibilité traversée. Et il cherche à argumenter son travail, ouvrage après ouvrage, par rapport à ce processus d'argumentation. Et dans cette argumentation-là, il travaille sur l'écart, c'est-à-dire sur l'instant réel entre les civilisations, entre les cultures, entre les schémas mentaux, entre les pensées. Et ici, sur une question globale, je me permets de poser trois questions. Je vous laisse lire, et surtout je laisse lire à François Julien ces trois questions. Et il est de son devoir de nous répondre ce matin sur ces trois questions. Est-ce qu'il y a un problème de niveau de degré dans la définition de l'intelligence? Est-ce qu'il existe tout un processus de modélisation? Donc, l'Occident impose son jeu de domination dans la science, dans la technologie, dans la philosophie. Et s'il y a une place, encore une fois, centrale, incontournable, la modélisation pour définir l'intelligence, et l'asiatique dans la mondialisation actuelle, comment ils font pour rentrer ou pour rester durablement dehors de cette modélisation? Et moi, personnellement, je pense que dans le travail empirique, l'investigation sur l'intelligence, il y a tout un jeu de domination, il y a toute une réalité de domination sur ce qu'on appelle l'intelligence. Mais quelle que soit la réponse de François Julien ce matin, on souhaite vivement qu'on y se lance dedans. Donc un des prochains ouvrages de François Julien, il doit écrire un ouvrage sur ces questions. L'intelligence. Merci, merci beaucoup de votre qualité d'écoute et de votre qualité. Maintenant? Non, vous allez dire quelque chose maintenant? Après, non. Après. Non, après. D'accord.